Merci d'écouter Radio Isanganiro. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal que nous débutons par ces grands titres. Le gouvernement burundais a déjà collecté plus de 28 milliards de nos francs comme contribution pour les prochaines élections. L'annonce a été faite par le porte-parole du ministère des Finances. C'était lors de l'émission publique de ce vendredi. Le journaliste ne cherche pas l'info pour lui, mais pour le public. Le Conseil national de la communication trouve que tout détenteur de l'info devrait la livrer. Le patron du CNC s'est exprimé au moment où ce 28 septembre, le monde célébrait la journée internationale du droit d'accès à l'information. Et la Société burundaise de cardiologie conseille la population de manger de façon saine pour éviter les maladies cardiovasculaires. Cette organisation a organisé ce samedi un dépistage volontaire de ces maladies. Bienvenue, la mise en onde de ce journal est assurée par Eli Kadogo. La radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page gouvernance. L'ONG Care Burundi a pris la décision de suspendre temporairement les interventions des programmes financés par ces subventions à partir de ce lundi 1er octobre. Dans une correspondance adressée à ses partenaires, le directeur de Care Burundi indique que cette décision est motivée par le communiqué du Conseil national de sécurité portant à suspension des activités des ONG étrangères durant une période de 3 mois. À compter, c'est plutôt la suspension des activités des ONG durant la période de 3 mois à compter du 1er octobre de cette année. Care Burundi demande aux partenaires de suspendre temporairement toute intervention et dépense dans le cadre des projets menés en partenariat avec cette organisation. Care Burundi précise dans cette lettre que l'accès à ces bureaux est interdit pour ses partenaires. La circulation des véhicules et motos de cette organisation est également interdite et le personnel de terrain est prié à les déposer à ses bureaux ou ceux des organisations partenaires. Cette correspondance précise également que les voyages prévus pour tout staff et partenaires dans le cadre des programmes en partenariat et financement avec Care Burundi à partir de ce lundi sont également suspendus. Page santé à présent, le dépistage a une grande importance à propos de certains habitants de la ville de Bujumbura. Pour eux, le dépistage permet de savoir l'état de santé de chacun. Ils se sont exprimés ce samedi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du cœur après qu'ils se sont fait dépister le diabète et d'autres maladies cardiovasculaires suivies. Je travaille ici, mais j'ai vu que je ne peux pas rater cette occasion liée au dépistage du cœur et du diabète pour savoir si je souffre de la maladie ou pas. Autrefois, si on tombait malade, nous pensions que c'était la sorcellerie. Je lance un appel aux gens d'aller à l'hôpital pour se faire dépister afin de savoir de quelle maladie ils souffrent. En fait, on est là, on file, on est en train d'attendre pour se faire examiner les tests pour le diabète. J'ai eu le message par WhatsApp dans les groupes et je me suis dit pourquoi pas. C'est un samedi, d'habitude je fais le sport ici. Je me suis dit pourquoi pas profiter de ce temps. Vu que aussi c'est gratuit, ben pourquoi pas. Voilà, j'en profite. Le dépistage, c'est bien, ça te motive parce que, ben quand même, pour savoir ton état de santé, parce qu'on ne sait jamais dans la vie, vaut mieux le savoir bien avant, comme ça, de prendre des précautions, s'il faut déjà commencer à se soigner ou pas. Et si tu es bien pour prendre des précautions, pour garder ta santé, bien sûr, pour la conserver mieux, de mieux en mieux. C'est important, je pense, pour tout le monde de savoir son état de santé. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire cet examen, pour voir si notre santé est bonne et de cela, on saura comment se comporter face à notre santé. Je voudrais lancer un appel vibrant disant que tout le monde doit savoir comment se comporter, comment sa santé physique. Et je voudrais les inciter à se faire dépister pour connaître réellement si leur santé est bonne. Et à l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale du cœur, le docteur Marc Nimburanira, président de la Société burundaise de cardiologie, a appelé la population à entretenir son cœur. Chacun doit se promettre de manger de façon saine pour éviter les maladies cardiovasculaires suivantes. Nous devons faire une promesse en tant qu'individu. C'est promettre de cuisiner et de manger de façon saine, manger les légumes, manger les fruits. Donner l'exemple, le montrer dans votre famille, dans votre environnement. L'autre promesse, c'est de faire l'exercice physique, le faire vous-même, montrer l'exemple, encourager vos enfants, encourager vos femmes, vos hommes, encourager l'entourage. L'autre promesse, c'est d'arrêter de fumer, encourager les gens autour de vous d'arrêter de fumer. La promesse aussi, là où on s'adresse aux professionnels de santé, c'est de contribuer dans le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Et l'autre promesse, c'est une promesse qui doit être faite par les gens qui sont responsables de la santé, que ce soit au niveau de nos communautés, au niveau des provinces, au niveau du pays. Promettre de mettre en place, de suivre les recommandations qui sont données par la Fédération mondiale pour le cœur, les recommandations qui sont données par l'Organisation mondiale de la santé. Et nous en profitons pour donner un message à toute personne qui est âgée de plus de 25 ans, s'il ne se fait pas dépister l'hypertension artérielle, qu'il considère que c'est un péché. Il faut se faire dépister pour savoir dans quelle catégorie vous êtes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons avec ce journal à 18h passé de 7 minutes. Plus de 28 milliards de francs burundais et la somme déjà collectée pour les contributions aux élections de 2020. Cela a été dit ce vendredi par le porte-parole du ministère des Finances dans l'émission publique qui s'est tenue au chef-lieu de la province Ruigi. Désiré Mouchalitsi ajoute que dans le cadre de publication trimestrielle des résultats relatifs aux contributions des élections de 2020, le ministre des Finances compte faire une sortie médiatique d'ici peu de jours. Suivez Désiré Mouchalitsi. À propos de cette contribution, que ce soit pour les fonctionnaires ou pour la population, je dirais que ce n'était pas très satisfaisant. Les derniers chiffres s'élevaient à 14 milliards 182 millions. Ça provient de la contribution de la population, des fonctionnaires, des commerçants et bien d'autres. La contribution du gouvernement se compte à 14 milliards 823 millions. Ça fait en tout plus de 28 milliards. Le ministre des Finances compte tenir dans les prochains jours une conférence de presse à l'endroit des médias pour bien expliquer comment ces différentes catégories de personnes ont pu contribuer pour les futures élections. Le manque d'équipement pour traiter les eaux usées en provenance de différents quartiers de la mairie de Bujumbura est la cause qui fait que le lac Tanganyika continue d'être pollué. Cela a été dit ce vendredi toujours par le porte-parole. Cette fois-ci, c'est le porte-parole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Environnement. Et lors de l'émission publique qui a été animée toujours au chef-lieu de la province Ruigi, elle déplore aussi que le code de l'eau n'est pas respecté. Suivez-la, elle est traduite en français par Naomi Nitegeka. Près de l'endroit appelé Chanik, il y a un endroit qui était destiné à traiter les eaux usées en provenance des quartiers de la mairie de Bujumbura, avant que ces eaux se déversent dans le lac Tanganyika. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement a effectué une visite à cet endroit après avoir constaté que l'eau du lac Tanganyika est pollué, surtout les rivages. Les travailleurs des services techniques et municipaux, cet émoi, ont expliqué au ministre qu'il y avait un problème de manque d'équipement, qu'il y a du matériel non encore disponible, ce qui cause que ces eaux, ils aient continué à se déverser dans le lac sans être traitées comme prévu. Ils lui ont expliqué qu'un marché a été publié pour la fourniture de ces équipements, mais jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas si ces équipements sont déjà disponibles. C'est donc une question qui est connue et qui est suivie de près. Une fois que ces équipements seront installés, ces eaux usées seront traitées avant d'être envoyées dans le lac Tanganyika. À côté de cela, au niveau du secteur de l'environnement, il y a le code de l'eau qui devrait être respecté. Sa mise en place est motivée par certaines activités qui doivent être réglementées. Par exemple, les constructions au bord du lac qui ne remplissent pas les normes de protection du lac. C'est donc le rôle de nous tous. Ceux qui construisent des maisons devraient aménager des endroits destinés à toutes sortes de déchets. Nous continuons avec ce journal, page média à présent. Les différentes institutions publiques et privées devraient donner accès à l'information à tous les médias pour l'intérêt de la population. Propos de Nestor Bangomukunzi, président du Conseil national de la communication, qui appelle les journalistes à travailler professionnellement. Il demande à quiconque qui détiendrait une information recherchée par les journalistes de la livrer, car le journaliste ne cherche pas l'info pour lui, dit-il, mais pour le public. Il a dit au moment où ce vendredi on célébrait la journée internationale dédiée au droit d'accès à l'information. Il a été joint au téléphone par Richard Koubgarugira. Je suis content qu'aujourd'hui vous affirmiez qu'il s'agit juste de quelques institutions, parce qu'il y a quelques temps, sur la rétention d'informations était presque généralisée, mais aujourd'hui nous sommes contents que les médias se plaignent contre juste quelques institutions. On a dû travailler, il y a des gens qui ont travaillé pour que les choses changent positivement, notamment l'institution de organe de porte-parole qui entretient aujourd'hui de très bonnes relations avec les médias, et je pense que c'est une des raisons qui ont fait que les personnes ne retiennent plus l'information comme il y a quelques temps. Alors, à ceux-là qui refusent de délivrer l'information aux journalistes et partant à la population, je dirais que ce n'est pas une bonne attitude, parce que le devoir de rendre compte s'impose à tout le monde, si bien qu'au niveau du CNC, nous demandons quiconque de bien vouloir être disponible et délivrer l'information. Mais à l'endroit des journalistes, juste quelques conseils. Il arrive qu'on approche quelqu'un pour lui demander telle ou telle autre information, mais il arrive aussi qu'il ne soit pas disponible pour des raisons diverses. Dans ce cas, il faudrait que les journalistes et les médias gardent leur mal en patience jusqu'à ce que la personne qui détient l'information recherchée soit disponible. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On a constaté qu'il y a des cas où les journalistes ils vont, j'allais dire, précipitamment. Autre chose, il y a toute une technique d'interview qui malheureusement n'est pas maîtrisée par tous les journalistes, d'après ce que nous avons déjà constaté. En bref, il faudrait que les gens soient disponibles pour délivrer l'information. Il s'agit de rendre compte, mais aussi les journalistes devraient s'armer de suffisamment de tact et de stratégie pour pouvoir aborder efficacement les personnes et ressources d'information. Dans les prérogatives et devoirs du CNC, il y a la facilitation à l'accès de l'information. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour rendre meilleur cet accès? Nous saisissons toujours, chaque fois que l'occasion se présente, de lancer un appel à quiconque détiendrait l'information recherchée par les journalistes, de bien vouloir la délivrer, parce que les journalistes ne cherchent pas l'information pour eux-mêmes, mais ils cherchent l'information pour le public que nous servons tous. C'est l'alpha et l'oméga de toute nation. Il faudrait donc que les gens soient disponibles pour informer les personnes devant qui ils sont responsables. Ce que nous faisons alors au niveau du CNC, c'est de donner des conseils, de sensibiliser, et les journalistes devraient pouvoir exploiter l'heureuse existence des porte-parole au niveau des différentes institutions publiques. Et à travers ces porte-parole, nous avons constaté qu'on a déjà fait un pas important. Il faudrait exploiter au grand maximum la disponibilité de ces porte-parole pour décrocher, pour accéder à l'information dans différentes institutions. Page sécurité pour clore ce journal. Le climat de suspicion au sein des habitants de certaines collines de Rugazi, Boubanza et Mhanda sur fond d'accusations de sorcellerie. Des tracts de menaces ont été trouvés et les accusés craignent une éventuelle justice populaire. Le gouverneur de Boubanza met en garde toute personne qui voudrait se faire justice. Space Caritas Kabanyana. Des tracts de menaces et d'intimidation trouvés sur la colline Muhanza de la commune Boubanza la semaine passée ont causé une peur panique à 5 personnes citées sur la même colline accusées de sorcellerie. Ils disent cependant qu'ils ne s'accusent de rien mais craignent une éventuelle justice populaire. Ils demandent aux autorités de rétablir l'ordre dans cette localité et de les protéger. Des accusations de sorcellerie, c'est également dans certaines collines de la commune Manda et de la commune Rugazi selon l'administration locale. De son côté, le gouverneur de la province Boubanza tranquillise et met en garde tous ceux qui pensent se faire justice. Évidemment, dans ces derniers jours, nous observons un mouvement, des personnes qui sont appelées des sorcières ou des... Je ne sais pas comment aussi moi, je peux les appeler. Mais ces derniers, il y a quelques-uns qui avouent qu'ils ont des objets tels que les petites marmites qui ramassent des objets qu'on qualifierait même de fétiches. Mais cela étant, nous ne voudrions pas que la population se fasse justice. Nous voulons que ces dernières, si une personne a été appréhendée ou est soupçonnée, il faudrait peut-être que cette personne-là soit donc... apporté auprès des juridictions compétentes pour que ces dernières puissent prendre des sanctions relatives. Terence Nobis Butoyi, gouverneur de Boubanza, ajoute que des réunions de pacification ont été multipliées ces derniers jours afin d'éviter que la situation ne s'empire. Space Caritas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Merci à toi aussi, Space, pour ces précisions. Ici se referme ce journal et dans quelques instants, ce sera le rendez-vous pour la revue de la presse. Isanganiro. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Nous ouvrons cette revue de presse par le journal Iwachu qui écrit sur un monument nouvellement érigé à Gitega dans la vallée de Nyambeho à Giheta sur la frontière des communes Gitega et Giheta. Il est dédié aux victimes du génocide des Hutus en 72. Iwachu mentionne que le monument a été construit dans la matinée du 21 septembre par des inconnus. Sur le monument, et selon l'hebdomadaire, il est écrit en grand caractère, je cite, « Cité mémoriale du génocide des Hutus de 1972, avant et après ». Fin de citation. Curieusement, personne ne veut assumer la responsabilité et le revendiquer. Pour le journal, il existe une autre association qui s'insurge contre le génocide des Tutsis. Pourtant, personne, même la Commission Vérité et Réconciliation, n'est compétent pour qualifier les actes de génocide, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Seule l'Organisation des Nations Unies en a la prérogative. Iwachu revient sur la phrase de Jean-Paul Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres ». L'agence Net Presse revient sur le communiqué du Conseil national de sécurité au terme d'une réunion qui a décidé la suspension des ONG œuvrant au Burundi pour une durée de 3 mois à partir de ce lundi 1er octobre. Elles sont accusées de ne pas se conformer au règlement en matière de recrutement conformément à la loi burundaise qui prévoit 60% de Hutus et 40% de Tutsis. Selon l'agence en ligne, cette mesure concernait plus de 130 ONG étrangères opérant sur le territoire national. Net Presse qui estime que, normalement, la mission de l'État est seulement de vérifier qu'il y a eu équité au moment du recrutement. L'école n'est pas un sanctuaire à l'abri de la violence. L'agression verbale et physique s'y déroule, selon le journal La Voix de l'enseignant. Il écrit que le milieu scolaire au Burundi n'est pas toujours sacré d'apprentissage, du respect et de sécurité. La violence à multiples facettes entre élèves se fait remarquer. Les enseignants, les responsables scolaires, les parents et les élèves des écoles de Ngozi jugent que la situation est préoccupante. À part les conséquences physiques observables, ce comportement a un impact psychologique important sur le jeune, qu'il soit auteur ou victime, et conduit souvent à l'échec scolaire. Revue de la presse. Le magazine Burundi Echo écrit sur la rémunération des fonctionnaires fictifs. Une perte de plus de 500 millions de francs burundais est enregistrée. Le remplacement des fonctionnaires qui ne sont plus en fonction est une urgence, a indiqué Félix Mosellini-Niga, ministre de la fonction publique. C'était mercredi lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ce travail se réalise à pas de tortue. Les conséquences sont énormes, selon notre confrère. Les élèves souffrent du fait qu'ils n'ont pas d'enseignants à temps plein. Les malades trépassent suite au manque de prestataires de soins. Les agriculteurs ne sont pas épargnés du fait qu'il manque d'agronomes pour leur inculquer les bonnes pratiques agricoles. C'est une perte colossale pour le pays. Selon le ministre, repris par Burundi Echo, la cause majeure de cette situation n'est pas à chercher au niveau des ministères. Ce sont les directeurs qui ne communiquaient pas à temps, les fonctionnaires qui ne sont plus à leur boulot. Détractés menacent certaines personnes accusées de sorcellerie et des administratifs locaux réapparaissent dans certaines localités de la province Bubanza. Selon l'agence burundaise de presse, des tracts mettant en garde une dizaine de personnes ont été trouvés sur les collines Muhanza, Rugazi, Chiya, Mwanda et Mugimbu. C'est dans les communes Bubanza et Rugazi. Ces tracts ont été trouvés dans un délai ne dépassant pas 2 semaines à peine selon la BP. Des causes soupçonnées par certaines de ces autorités locales contactées par l'agence seraient le fait qu'elles sont à l'œuvre vers l'éradication du brassage, du commerce et de la consommation de boissons prohibées. Le gouverneur provincial met en garde toute personne qui tenterait de se faire justice. La communauté de blogueurs Yaga écrit à son tour qu'au Burundi, pas de perdième, pas de formation. Tu as déjà participé dans une formation à Bujumbura ou en province? Tu as touché un perdième au moins une fois dans toutes ces formations que tu as pris avec un certain plaisir? Participerais-tu dans un autre atelier sans ce perdième? Très improbable selon un billet. Souvent, c'est l'argent qui prime sur tout le reste. Tu ne vas pas me dire que c'est malsain de penser à de l'argent quand on participe dans des activités pareilles, dit un licencié au chômage. Pourquoi j'irais perdre mon temps dans une formation, m'asseoir pendant des jours pour ne rentrer qu'avec des connaissances dont je ne sais même pas où je vais les mettre en pratique? Mais un peu plus loin, Yaga trouve minable cette mentalité de penser à l'argent au lieu des riches expériences qu'on peut en tirer. Et comme dirait Louis L'Amour, renchérit le billet, la meilleure des choses est d'apprendre. L'argent peut être perdu ou volé, mais ce que vous avez appris est votre à jamais. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Francine Ndiokubgayo et Léon Sebitadio. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine.